Vous écoutez bien Inzesis sur Radio Mon País de 18h à 19h. Ce soir, Laurent de Colerpa Taxifolia. Bonsoir Laurent. Bonsoir Landry. Tu vas bien? Oui, ça va. T'as passé une bonne soirée? Oui, j'étais avec... comment il s'appelle déjà? Emmanuel. Emmanuel, oui, et... Landry? Landry, voilà, c'est ça. Alors, Laurent Dauphol, tu fais de la musique? Ça va si on dit de la musique? C'est une forme de musique qui... Certains disent que c'est pas de la musique, d'autres disent que c'est de la musique. Il y en a qui disent que c'est du bruit, peut-être. Voilà. L'idée, c'était... Il y a eu plusieurs périodes. Au départ, c'était basé sur du texte. Mm-hmm. Des textes de qui? De moi. Mm-hmm. Et des citations prises un peu partout, mm-hmm. qui ont fait que c'est devenu moi, mais moi, c'était juste... Oui, c'était une façon de traduire plus simplement. Avec les mots des autres, c'est beaucoup plus simple. Mais ça n'empêche pas que ça soit nos propres pensées. Voilà. Disons que les pensées des autres ont fécondé les miennes, et, ah. et etc. Et, vu que tout est lié, oui. je dis pas trop c'est moi. Mm-hmm. Juste un intermédiaire. D'accord. Voilà. Mais c'était des textes de moi, c'est vrai que c'est Laurent Dauphol qui les a écrits. C'était il y a combien de temps ça? Tu as 23 ans? Oui, c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Que je me suis mis dans la tête de faire... j'avais écrit un spectacle, sur papier juste, hein, ça, j'avais écrit. Et je me suis dit, oui, je vais faire de la musique à côté, pour faire une forme théâtrale et musicale. Alors, j'avais absolument... Enfin, musique, j'avais joué quelques accords de guitare, je récitais les textes, et je me suis dit, je vais monter un groupe, en fait, voilà. Pour amener, en fait, au début, c'était quelque chose d'un peu révolté, suite à des lectures politiques ou économiques, mmh. et je me suis dit, ah, il faut que je mette ça sur scène, je vais faire ça, donc j'ai arrêté mes études et tout. Ah, tu as fait des études? Oui, un peu. Des études de sociologie, économie, mmh. et linguistique. Voilà. Sciences du langage? Voilà. Un an, dans chacune des matières. D'accord. Donc tu as commencé par de la poésie, que tu voulais mettre en scène. Oui. Tu voulais créer un groupe? Voilà. Est-ce que tu as trouvé des gens? Ah oui, j'en ai trouvé plein. Alors c'est... Il y a eu toutes les démarches. Bonjour, oui, je suis très motivé, je viens. Et... Comment tu trouves ces gens qui viennent à toi? Comment ils viennent à toi? Ah, au début, c'était par des annonces sur Internet. Ok. Je regardais qui c'est qui pouvait être intéressé par un truc un petit peu déjanté. Mmh. Et... Faut dire qu'avec les doigts, t'as fait style entre guillemets déjanté. Oui, ça se voit pas que... à la radio. Voilà, parce qu'il se trouve qu'en 3 ou 4 ans, la musique, enfin les choses déjantées le sont moins, en fait, après. Oui. On évolue dans le temps. Ok, oui. Donc, quand je vous posais ça, il me semble que c'était plus déjanté que maintenant. Mm. Parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de slam en France. C'est quoi l'histoire? C'est on s'ouvre l'esprit ou on s'habitue à la connerie? Ou les deux? On s'ouvre l'esprit ou on s'habitue à la connerie? Parce que les choses déjantées, avec le temps, elles ne le sont plus. Non, ça doit être quand on s'ouvre l'esprit, je pense. Quand. Okay. Mais il y a aussi pour avoir ton point de vue. À la connerie, mais ça serait dans d'autres domaines. D'accord. Parce que là, on est dans quel domaine? Là, c'était on s'ouvre l'esprit d'une façon un peu conne sans qu'on le sache. Ce que j'ai fait, je pense, avec l'angle. Ok, mais ton domaine dans la musique, c'est L'incantation expérimentale, donc basé sur... Non, au début c'était simple, hein. Au début c'était juste monter un groupe, mmh. donc j'avais 10 textes et je me disais, voilà, on va faire 10 morceaux. Et puis, au bout d'un an ou deux, il se trouve que, vu que les musiciens, je les voyais un mois, et puis après, ils devaient faire un concert, ou ils passaient à autre chose, et tout. On ne pouvait jamais concrétiser le truc, parce qu'ils disaient, ouais, ça marchera pas, puis il faut s'investir, et tout, moi, je dois gagner mes sous à côté. Voilà, c'est ça, les gens, ils veulent pas s'investir dans quelque chose qui leur rapporte pas de l'argent en général. Oui. Parce que, bien sûr, tu vois, pour une diésis, par exemple, si je veux parler de ça. Si on payait les gens, on aurait plein. Voilà. Mais du coup, on paye pas les gens, donc je suis désolé, moi j'ai plein de choses à faire. Non, mais les gens parlent comme ça, c'est important. Ouais. Excuse-moi. J'ai plein de choses à faire, plein de choses à penser. J'ai lancé un truc en me disant ça intéressera des gens qui voudront s'investir, parce que c'est pas pour faire les choses tout seul, tu vois. Et du coup, tu te rends compte que les gens, s'ils gagnent pas de l'argent, ils s'en foutent. Ou alors. Trouve des gens qui font de la merde parce qu'ils pensent à leurs propres intérêts. Alors ils te proposent ouais, on va faire la rubrique comment draguer, la rubrique comment bien raconter des blagues. Oui. C'est quand même absolument terrible. Donc tu es tombé sur des gens qui étaient pas sérieux dans le fond, quoi. Voilà, oui. Et bon, comment dire? Et il y a un problème, oui, là j'ai eu. Enfin, moi, je le prends maintenant avec du recul. Je vais pas dire je m'insurge contre tout ça parce que ça m'a servi de pas y arriver en fait. Mais il y a eu ce problème du fait de pas avoir d'argent. Effectivement, ça permet pas de réaliser les choses qui, bon, s'il y avait une égalité d'argent, auraient pu être réalisées. Même si je me suis fourvoyé par moment sur certaines démarches. Là, il y avait un véritable problème de financement, de rencontre de personnes, enfin, en fait, de contact, d'argent, d'héritage, en fait. Parce que si tu as quelqu'un qui peut te financer tes idées, en fait, ça se passe. Je pense que ça marche. Mmh. Bon, j'avais pas les contacts, j'avais pas les sous, et j'avais pas envie de travailler. Alors bon, du coup, je suis tombé sur des gens qui allaient et venaient, qui avaient envie peut-être un coup de faire intermittent du spectacle, donc de faire des dates, ça se comprend aussi, ils voulaient faire des dates à court terme ou à un an d'échéance, avec avaient le besoin de vivre. Mmh. Donc c'est normal qu'ils se disaient, je vais pas m'investir dans un projet complètement expérimental, on va peut-être faire 3 dates dans l'année, puisqu'ils avaient, ils avaient besoin de manger aussi. Donc voilà, je peux comprendre que les gens ils s'investissent pas pendant. À la limite. Oui. Voilà. Parce que j'aimerais pas casser du sucre sur le dos des gens. Tu vois. Ah, mais non, bien sûr. Non, mais. Même si t'avais pas précisé, on aurait su pourquoi ils étaient pas restés. Bon, après, il y avait des véritables foutages de gueule aussi. Il y a les deux. Oui. Il y a des gens qui avaient des priorités. Pour vivre, d'autres, ou c'est dit oui, et puis c'est oui, et sa petite voiture jamais roule, et puis voilà, après, on les voit jamais. On entend surtout leur grelot. Et voilà. Et puis. Puis après, bon, alors il y en a eu des. Oh, excuse-moi, j'ai oublié de te poser des questions. je t'écoutais parler. Bon, voilà, là ça fait une partie en fait, tu m'achètes. Après, je vais te raconter vite fait. Oui, ça c'est l'introduction. Donc, alors après. On arrive à quand ça commence à marcher un peu. Ah, ça a quand même marché un peu. Il y a eu la rencontre de. Ça a été un moment constructif pendant un moment. Ouais. On a vraiment réussi à réunir des énergies de gens pendant plus de 6 mois. Moi j'ai 3 noms. Pour moi, colère pataxifolia, c'est 3 noms plus une personne dont je connais pas le nom. Donc je vais te les donner. Oui. C'est donc Laurent. Oui. C'est moi. Oui. En fait, je précise. Ah mais on l'a dit au début. Clément, voilà. Damien, oui. Et La demoiselle qui jouait du violoncelle ou du violon. Du violon, oui, il y a eu Élise aussi. Élise. Et un bassiste aussi, David. David. Et avec eux, on a commencé à faire des choses un peu plus sérieuses. Mais bon, on s'est vite parti. Quand il a fallu être assez sérieux. Mais moi-même, j'étais pas assez. Mais enfin, j'étais sérieux à ma façon. Mais bon, il y avait des choses à revoir quand même. Mais bon, quand il a fallu vraiment passer entre le moment où on a fait des répètes et alors on a enregistré ou pas, mais où il y avait des improvisations intéressantes, quelques constructions de morceaux qui commençaient à prendre forme, ça marchait. Quand par contre il a fallu rentrer dans le vif du sujet et essayer de répéter plus et de démarcher des gens et tout ça, bon, ça n'a pas marché. Donc il y a eu la phase où il n'y avait aucun musicien pour faire ça, ouais. La phase où il y a eu des musiciens mais c'était pas assez sérieux pour que ça puisse aboutir. Oui. Ça c'était celle-là où t'as dit les noms des gens. Ouais. Donc celle-là c'était bien parce que ça a permis de révéler en fait l'essence du projet, puisque j'étais parti sur une idée de théâtre, enfin de mélange de musique et de visuel avec des musiciens sur des choses rigides, c'est-à-dire sur 10 textes, par exemple, je disais. Point. Et alors, ce qui s'est passé, et là, c'est devenu intéressant, très intéressant, c'est que pendant ces répétitions, bon, on créait des morceaux, pas beaucoup, 2-3, mais ça m'a permis de révéler quelque chose à moi-même, aux autres peut-être, sûrement aussi, puisqu'ils n'avaient pas expérimenté ça, je crois. C'était que j'amenais des textes et on partait sur des improvisations, mais totales. J'avais juste un texte qui n'était plus ces 10 textes préparés, mais qui étaient des carnets que j'écrivais de semaine en semaine. Et donc je prenais les textes, le carnet, je l'ouvrais au hasard. Bon, je passerai les méthodes pour changer la conscience qu'on employait. Mais bon, c'était un état de conscience modifié. Mmh. Et il s'est trouvé que on a joué à un état de conscience ou un état de perception? Un état perception. De perception et de conscience. Au début, c'était plus de perception seulement. Mais après, c'est devenu un état de conscience modifié. Peu à peu, à force de s'entraîner dans cet esprit-là. Mmh. C'est-à-dire que les premières fois, bon, c'était oui, la perception, genre, bon, t'as un son différent, la voix va changer un peu, ça s'arrêtait juste à ça. Mais à force, un jour, on a joué, et, enfin, plusieurs fois, on s'est rendu compte que les morceaux, on jouait sans aucune grille d'improvisation ni rien au niveau musical, juste rien. Par exemple, on accordait une guitare et puis il finissait d'accorder et puis moi je balançais un mot. Et ce mot, il partait et puis j'en disais un autre et puis il y avait un autre instrument qui se rajoutait. Et il pouvait se passer une demi-heure ou trois quarts d'heure où ça partait en improvisation sans absolument rien d'autre que mon texte. Plus même des fois des nouvelles choses que je rajoutais. Et ce qui était étonnant, c'est qu'on s'arrêtait à la seconde près, en fait. C'est-à-dire que... C'était en phase. Voilà. Totalement. Mmh. Alors, ce phénomène nous intriguait. On se demandait comment c'était possible. Et oui, je me souviens d'une répétition où c'était particulièrement fort. Où j'avais élaboré un texte à partir des idées de... C'est vieux ça, c'est de 2006. Ça va. Et ça fait longtemps parce que il y a eu plein de choses entre nous. Et c'était l'idée. C'est con, j'ai pas les textes parce que ça aurait été bien que je les lise entre temps pour voir le délire. C'était ce que je dis, ça devient. Et c'est écrit en fait. C'est-à-dire que le fait d'écrire quelque chose permet d'engendrer la chose. Et il se trouvait que dans la musique, Et par le souffle de ma voix, j'arrivais... C'est possible de donner un exemple légèrement plus concret, plutôt que de rester sur la... sur quelque chose de flou. Alors, Le fait d'écrire quelque chose l'engendre. Oui. Et de le... Parce que moi, j'ai l'impression qu'au contraire, oui. J'ai l'impression que d'écrire, oui. Ça permet un éloignement. Donc, oui. Ça engendre pas ce qu'on écrit, au contraire. C'est quelque chose qui a déjà été, qui aurait pas dû être engendré, au contraire. Enfin, pour la, dans la plupart des cas. Et une fois que c'est posé, on a conscience et voilà, on s'en est débarrassé. Exactement. Oui, je suis d'accord. Et ça, c'est quand on l'écrit et quand on le pose. Oui. Mais ce qui se passait, c'est que ce que j'écrivais, je le reprenais dans un contexte avec d'autres personnes. Mmh. Et lorsque je le reprenais, ce truc posé et mis à distance, eh bien, il se réveillait. Et dans la pièce, il revivait en quelque sorte. Et c'est comme ça que je l'ai interprété, à force. Il revivait par le souffle de ma voix. Et d'accord. Est-ce que... D'accord, c'est pas un événement, par exemple, on écrit la chaise longue va se déplier. Non. Et après. Si. Ah, d'accord. Ah oui. Ah bon? C'est allé loin, mais malheureusement, ma mémoire, elle est mauvaise, mais. Oh, il y avait des choses comme ça. Mais c'était. C'est flou, mais. Par exemple, il y avait des textes où. Pardon. Oh là là. Ça, c'était avec la deuxième version du groupe, avec des nouveaux gens, mais. Ça me rappelle vaguement un truc. C'est que. Mais je me souviens pas de tous les éléments, donc je vais en avoir. Pour que ça soit parlant, il faudrait qu'il y ait 3 ou 4, 5 éléments qui sont cohérents. Juste que ce soit plus concret. Oui, bon, mais un en lui-même, ça va pas être intéressant. Mais il se trouve par exemple que. On avait un batteur qui était guitariste, par exemple. Et. Tiens, alors. Et. Par exemple, j'invente peut-être un peu, mais en fait, si j'invente, ça va permettre de voir un peu ce qui pouvait se passer. Mais je sais que. Ce que je vais te dire, l'exemple, en fait, va refléter quelque chose qui s'est passé réellement. Donc, peu importe. C'est que, par exemple, dans un texte, j'avais dû écrire « Tous les musiciens sont au sol, sauf le batteur. » Et il se trouve que ça, c'était, par exemple, à la moitié du texte, ou aux trois quarts. Et en fait, au moment où j'arrivais à cette partie du texte, il se trouve que tous les musiciens étaient par terre, sauf le batteur, par exemple. Tu comprends? Ça faisait des décalcomanies, en fait. D'accord. Et ça se passait de plus en plus souvent, en fait, avec les textes. Il y a eu une partie écrite qui commençait à coïncider avec une partie vivante en temps réel, quoi. Voilà. Et ça... Donc ça, c'est par exemple au niveau des choses concrètes. Mais ça marchait dans le sentiment aussi. Et c'est alors ce que tu lis. C'est-à-dire que ce que tu avais mis sur papier, tu le lis, mais c'est dans l'instant où tu lis que ça se produit. Ouais, voilà. D'accord. C'est pas par exemple le lendemain, ça va se produire. C'est sûr, dans l'instant présent. Oui, oui. Donc vous êtes dans l'énergie du texte. D'accord. Donc tout comme on va écrire un poème, je sais pas, qui parle d'amour, tout ça, il va se dégager une énergie qui est en rapport avec ça. Ouais. Avec et la musique, etc., composée, il va se dégager l'énergie qui était présente au moment où on écrivait et on composait. Oui, donc là c'est ça. Mais en beaucoup puissant qui atteint le matériel. Voilà. Et en plus. Et les hommes, surtout. Oui. C'était plus parce que le matériel, pas trop. Mais c'était surtout entre les hommes qui se passait des choses. Voilà. Et je précise un truc. C'est que. Parce que. C'est à force qu'on s'est rendu compte de ça. Donc il y avait Damien, tu parlais Damien. Mm-hmm. Oui, parce qu'on continue même si on a arrêté. Claviériste. Oui. Oui. Chanteur. Lui, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Et il est depuis... Quand j'ai lancé le projet où je cherchais des musiciens, et je l'ai contacté un an après, à peu près. Je me suis dit, cette personne, on avait quelque chose à partager. Je savais pas que ça allait être musical, j'en avais parlé. Enfin, je raconte pas tous les détails et tout. Bref, et je l'ai recontacté, et donc avec lui, on a vu beaucoup, beaucoup de musiciens différents. Au début, bon, on jouait normal, une petite impro, tralala, tralala. Et, mais en fait, au bout d'une autre année, je pense, notamment quand il y a eu d'abord cette partie avec Clément qui était forte, où on créait des improvisations, où on faisait un trio, on a joué tous les trois, juste des fois. Et il y avait vraiment des énergies qui montaient, comme ça, où on avait chacun, enfin, je sais pas l'exprimer, on faisait chacun une incantation qui prenait forme. Moi, je crois que j'étais au milieu, le lien entre les deux autres énergies, ce qui permettait de l'intermédiaire entre je sais pas trop quoi et nous trois. Et mais on s'est rendu compte, voilà, j'y viens avec Damien, que à force de le pratiquer, ça, on pouvait inviter quasiment n'importe quel musicien. On en a essayé, je sais pas, on a essayé avec peut-être une dizaine. Et il se passait tout le temps la même chose, c'est-à-dire que on était tout le temps dans ce flux lui, il était... Moi, je traduisais quelque chose de basé sur le texte, le souffle, et une partie qu'on comprenait pas. Et lui, il traduisait directement mes sentiments, ou les sentiments en général, ce qui était là au moment, en vibrations musicales sur son clavier. Et il se trouve qu'à nous deux, en fait, on se renvoyait la balle et on faisait monter quelque chose. Et les autres énergies des autres musiciens se greffaient dans ça. Alors au début, j'étais seul à faire ça. Après, il y a lui qui est venu et on a trouvé une complémentarité qui a fait comme, tu sais, le siphon dans une baignoire. C'est-à-dire que nous, on le savait à force de le pratiquer, on a compris ça, qu'on se mettait à tournoyer, comme l'eau qui tourne, là, et les musiciens rentraient dedans. Mais ce qui était rigolo, c'est que nous, on le savait, on se regardait en souriant, et les gens qui venaient à chaque fois, ils faisaient « Waouh, mais vous avez vu c'était trop bien, on était trop en phase et tout, musicalement. » Et en fait, comment dire, ça leur arrivait rarement. Bon, ils étaient jeunes, hein, la plupart. Au maximum, il y en a eu quoi qu'il y en a eu qui avaient 30-40 ans. Et ils étaient très étonnés de voir comme le jeu était fluide, en fait. Et comme tout semblait couler de source. Oui. Dans le groupe, donc c'était le deuxième vrai groupe, il y avait un guitariste, un batteur, un ingénieur du son, un claviériste et le chanteur-performeur. Donc on a eu cette chute de répétition et puis Damien s'est amusé à la mixer en rajoutant des samples de... Il semble d'un manga qui parle. On n'a qu'à l'écouter. Après, on parle de Hopeful. Juste après les infos. Don't be afraid. Thank you. Thank you.